Est-ce que vous vous sentiriez en état de répondre affirmativement à une commande ? Très difficilement. Pour quelle raison ? Très difficilement, parce que je ne pourrais le faire que dans des conditions de résonance parfaite avec le propos qui me serait soumis. J'ai très rarement travaillé pour des interprètes, et les interprètes pour lesquels j'ai travaillé ont souvent attendu très longtemps avant que je leur livre un produit. Je pense à Gérard Frémy, par exemple, El Riandre, qui est une pièce qui inclut le piano. Cette pièce ne pouvait être faite que pour Gérard Frémy. Du reste, il est très nettement établi par la dédicace que j'ai mise sur cette pièce qu'il est le seul à devoir l'interpréter, simplement parce que je savais qu'il était capable de s'astreindre à une très rigoureuse discipline dans la production des sons qui devaient se juxtaposer ou s'intégrer à l'œuvre que je lui destinais. Mais je crois qu'il me serait vraiment très très difficile de faire une musique sur commande si je ne me sens pas profondément motivée par ce qu'on me demanderait de faire.